se lève, car j'ai le goût de descendre, accroché à mes lèvres. Oh, oh. Je suis affaibli sur le boulevard. Yeah. Oh. 100 fois. pouvoir replanter ta lame. Bam, bam. Sur le boulin, dans la brume de ma vie, j'ai vu s'envoler tous mes espoirs. We'll be right back. Oh.